voilà, donc bienvenue, il est 1h15, tout juste 1h15, et donc c'est les débats de Gérard, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, et 0800 70 5000, et toujours 3615, code Fun Radio, rubrique directe. Et donc les premiers débats vont porter sur le premier débat sur les collectionneurs, et le deuxième sur les ascenseurs. Donc on accueille Thierry Bouchon. Bonsoir Manu, bonsoir Gérard, bonsoir Fildar, bonsoir Sandy. Bonsoir, Sandy elle est pas à mes côtés. C'est pas grave, hein. Bonsoir quand même. Ok. Donc on accueille aussi... Croissant. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Paris, bonsoir Stéphane Chartier. Croissant, s'il te plaît, il n'y a pas de gens que tu viens de citer. Ah si, attends, je te reconnais. Non. S'il te plaît, tu vas te calmer, merci. C'est amical, Gérard. Ok, parce que sinon tu vas aller... Au standard, vite fait. Okay. Dodi. Bonsoir Gérard, bonsoir Sandy, bonsoir le fils de Gérard et Sandy. Bonsoir. Bon alors, Dodi, déjà, tu as commencé par te calmer, s'il te plaît, merci. Poussin. Bonsoir Gérard. Ouais, tu parles un petit peu plus fort devant ton combiné, merci. Bonsoir. Marie Poppins. Bonsoir Paris, oui. Bonsoir Gérard. 17 ans de Brett. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ben, 17 ans, les gens à sortir, ils doivent être touchés. Ouais, t'as ton bac à passer. Tampon, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment tu t'appelles? Tampon. Tampon, s'il te plaît, tu restes calme, s'il te plaît. Ok, merci. Merci. Bon. De rien. Alors, premier débat, c'est sur les collectionneurs. Ouais. Super. Alors, que vous rapporte le fait de collectionner? 10 sous. Alors, c'est-à-dire? 10 sous, et bien quand t'as une belle collection très étoffée d'un objet multi-représenté. Oui, mais écoute-moi, ça te dérange de tourner de ton nom en premier? Excuse-moi, c'est Dodi, Gérard. Ah, voilà, je préfère. Une collection de timbres très très très étoffée et très riche peut te rapporter plusieurs millions de francs. Ah, attends, Dodi. Oui, Gérard. Dodi, tu appelles d'un portable? Non, j'appelle d'un voiture tout à fait normal. Non, parce que c'est bizarre, il y a des soufflements. Hein. Ah, ça vient pas de moi. Hein. Ah, ça vient pas de toi, ça vient de moi alors. Non, probablement pas non plus, Gérard. Je pense que t'as du matériel à la hauteur. Ah ben oui, mais le soufflement, j'aime pas trop, ok? Ah ben je ferai tout pour en empêcher le soufflement, Gérard. Oui, ben dans ce cas-là, tu vas aller voir Fielder au standard tout de suite. Oh non, Gérard. Non, parce que le soufflement, j'en veux pas. Le soufflement, je n'en veux pas. Ok, je vais l'arrêter de souffler. Gérard, c'est moi. Oui, qui? Non, c'est moi qui souffle. Qui? Je fais pas exprès, c'est Tampon. C'est Johanna. Tampon. Non mais Manu, Fildar s'il te plaît. Ouais. Je suis là. Tu prends ton pont donc à la place de Dodi. Non Gérard. Non mais c'est Dodi, c'est ton pont qui s'amusait à faire du soufflement. Non mais un gris ton pont là, c'est pas cool. Hein. Mon tire bouchon. Oui. T'as à dire quoi là-dessus? Les excuses, tampons, les... Bon, je voudrais parler mais. Vous répondez. Non mais c'est Pierre Bouchon, je vais répondre là Gérard. Oui non mais vous répondez correctement parce que sinon on va aller vite là ce soir. Un sujet, un verbe à complément. Tu sais qu'il est raide alors. Non mais ta gueule toi, bon. Bon alors celui qui dit que je suis raide, vous allez commencer par vous calmer. Pas moi. C'est pas moi non plus. Hein. Non c'est jamais personne. Bon calmez-vous les mecs. Bon c'est Pierre Bouchon, je vais y aller. C'est Marie. C'est Pierre Bouchon, je vais y aller. Bon alors ta couche. Bon alors moi je collectionne les cartes postales, les timbres et les boîtes d'allumettes. Et ce que ça m'apporte, c'est très difficile à définir parce qu'en fait, c'est une passion. Mmh. Et une passion, c'est quand même quelque chose de très abstrait. Quand quelque chose te plaît, t'as du mal à expliquer pourquoi. Oui, mais alors je vais te renvoyer la balle. Mmh. Par exemple, tu t'achètes des camions miniatures. Ça te rapporte quoi de faire une collection? Merci pour celui qui rentre. Non, s'il vous plaît, on va pas commencer à crier tout de suite. Mmh. Donc, le respect de Gérard, toujours. Donc, Thierry Bouchon. Comme camion. Donc, je te demande si tu fais collection de timbres. Ouais, de timbres, de boîtes d'allumettes et de cartes postales. Bon, celui qui rote, il va commencer à se calmer parce que là, ça fait deux fois et je sens que la troisième fois, je virerai tous les mecs. Par contre, sur Minitel, on nous dit toi, Gérard, tu fais collection de râteaux, c'est vrai? Non, alors là, tu vois, sur Minitel, si c'est pour me poser des questions comme ça, je réponds pas. Ça peut être sympa, des râteaux dans son salon. Oui, oui, oui, des râteaux, je sais ce que ça veut dire, d'accord ? Merci. Donc, Tire-Bouchon, donc, toi, tu disais que tu faisais collection des cartes postales et tout ça ? De timbres et de boîtes d'allumettes. Mm-hmm. Mais des cartes téléphoniques, est-ce que tu en fais collection ? Oui, j'en fais collection, enfin, j'en ai quelques-unes. Mm-hmm. Mais tu vois, c'est des très, très, très, très rares, tiré à 10, 15 000 exemplaires. Oui, mais de toute manière, quand tu achètes une carte téléphonique, tu peux très bien en trouver plusieurs. Oui, mais je veux dire... Tiens, Tire-Bouchon, une question que je vais te poser. Oui, Est-ce que tu as eu, je sais pas si tu as eu l'occasion de l'avoir, est-ce que tu as acheté déjà la... s'il vous plaît, derrière, merci. Est-ce que tu as eu l'occasion d'acheter la carte de la Coupe du Monde? Oui, et je les ai eues même avant qu'ils sortent. Non, c'est pas vrai, parce que Gérard, j'ai des relations à France Télécom. Non mais alors là c'est bon, tu vois, c'est pas la peine de dire France Télécom, parce que France Télécom, ils sont bien gentils. Pas de pub, Gérard. Non mais, ils sont bien gentils, mais il faudra peut-être qu'ils arrivent à laisser le standard ouvert, ok. Donc Tire-Bouchon, c'est bon, d'accord, Tire-Bouchon. Ouais. Donc on va demander à Croissant maintenant. Oui, alors, bonsoir Gérard. Non, mais c'est bon, les bonsoirs, y'en a ras-le-bol, t'accouches. Oui. Gérard, j'accouche. Je fais collection de trois petites choses. Les cartes Magic, de couleur bleue, bon, c'est un jeu de rôle. Hein. Magic, joue moi aussi. Je suis le deuxième plus gros collectionneur de cartes bleues en France, je tiens à le signaler. Et ensuite, je fais collection de tout ce qui rapporte à Kamel. Gérard ? Non, et tout va bien, Gérard est là. Tout ce qui se rapporte à Kamel. C'est-à-dire les vieux briquets, les vieux tipos, enfin tout le bordel. Les paquets briquettes, alors. Non, et s'il vous plaît, Croissant. Oui. Croissant, tu vas... Tu vas te tremper dans ton café. Croissant. Croissant. Croissant. Oui, Croissant. Oui. Tu retournes au standard, s'il te plaît, merci. J'ai pas fini de répondre. Non, mais c'est bien, tu vas aller voir au standard... Dis-moi pourquoi ? Parce que tu fais trop de pub. Allez, c'est bon. Dodi. Oh. Allô, oui ? Je t'écoute ? Dodi ? Oui, je t'écoute, Gérard. Bon, alors, Dodi, t'as de la radio derrière toi, tu... Non, j'ai pas de radio derrière moi, Gérard. Non, je vais les calmer, mais continue le débat, j'avance. Poussin ? Mm-hmm. Oui, moi, je fais la collection de bouteilles de coca vide. Merci pour la pub. Alors, Poussin ? Oui. On a dit de pas te faire de pub. Bah ouais, mais bon, c'est ce que je fais, donc je vais pas te dire, je fais... Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la pub. Si, ils ont besoin, c'est bien. Mm-hmm. D'accord. Voilà. S'il te plaît, Gérard. Mary Poppins. Oui, oui, je fais des collections de pierres précieuses et de rouge à lèvres. Ouais. C'est un trésor inestimable. Voilà. Et Gérard. Cinq minutes, s'il vous plaît, les auditeurs. Tu m'écoutes ? Oh, mais pareil. Attends, on est en train de lui expliquer un truc, là. Toujours les auditeurs, jamais les auditrices. Ouais, c'est clair. Jamais. C'est qui ? Chut, chut. Je sais pas, c'est merde. Bon, ouais. Oui, Gérard ? Oui ? C'est Croissant, je me suis calmé. Non, mais c'est bon, Croissant. On va demander un tampon. Oui. Moi, je collectionne les grenouilles et ça m'apporte beaucoup de plaisir. D'accord. Donc moi je peux moi d'après un sondage sur internet, il y a 30% du bien-être, 20% des femmes, 25% de l'argent. Ah ouais. Et 25% rien du tout. Alors moi je peux vous dire une chose. Tout à l'heure. Oui mais tu vois là tu viens de citer une marque. Ah, excuse-moi. Gérard, c'est les Tire-Bouchons. Oui. Les petits camions, et voilà, quoi, ils sont très jolis. Voilà. Mais quel âge ton frère? Oh, il a 8 ans. Hein. 8 ans, parce que c'est mental pour collectionner les camions. Hein. Ah ben si, je suis désolé, il n'y a pas d'âge hein, pour faire des collections. Il n'y a pas d'âge, mais il y a un âge mental quand même. Non. Moi, attendez. Moi, je peux vous dire une chose. Dolly, s'il te plaît. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Je voudrais juste savoir si tu collectionnes toi les camions. Oui. Parce que t'en parles beaucoup. Oui. Ah, c'est pour ça, d'accord. Je voulais juste savoir. Oui, juste... actuelle et j'aurais bien voulu savoir où que je pouvais me les procurer en miniature. Avec le cambriolage qu'il y a eu, ça va pas être. Quel genre de camion? Quel genre de camion? C'est lesquelles marques? Enfin, pas sorti d'Yamaha, mais quels? C'est des trucks? C'est des quoi? C'est des. C'est des 40 tonnes sans citer de marque. Le Magnum, le Magnum. Tu mets ça dans ton appartement. Et j'ai rien. Oui. Ouais. Tu les veux? De quoi? Bah les camions. Mais GG. Oui. Moi j'ai un truc à dire, c'est Marie Poppins. Mmh. Je veux dire, moi je suis pas d'accord hein, pour les gens qui se permettent de dire que les collectionneurs, tout ça, ils font un âge. Hein. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge. Non, non, je mais, de manière, il n'y a pas d'âge, mais attends, Marie Poppins, la question, on n'en est pas là, d'accord? Donc, Gérard, est-ce que t'es beau comme un camion? Oh. Ouais, on se calme, on se calme, on se calme. Alors, dépensez-vous beaucoup d'argent? Bon, deuxième question. Oui. C'est comme tout le monde a répondu. Donc, oui. Ouais, attendez, avant la deuxième question, non, c'est pas une question, c'est une affirmation. On nous dit que tu devrais plutôt commencer une collection de cervelles et arrêter celle des wagons Ricard. Qu'est-ce qu'on pense? Alors là, tu vois, c'est qui? C'est qui? C'est Palmier. Ah bah, Palmier, tu vas aller voir dans tes palmiers s'il y a des noix de coco. Ah ouais? Ouais, Gérard. Tu l'as cassé là, Gérard, tu l'as cassé. Il est mort là. C'est dingue ce que les gens peuvent dépenser comme fric sur Minitel pour dire des conneries. Hein. Ah non, mais de toute manière, non, mais c'est pas grave. Je peux vous dire que les jeudis, ça m'a ruiné. Hein. Dans ces cas-là, pourquoi tu t'appelles encore? C'est gratos. Bon, je vais te poser la question, s'il te plaît. Eh oh, tu vas te calmer toi? Gérard, non, mais celle qui me dit tu vas poser la question, tu vas te calmer, s'il te plaît. Attends, d'accord Gérard, allez, non, non, mais pour l'instant, il y a encore une question. Ouais, il y a juste. La question. Ouais, il y a une question. Est-ce que ta passion pour les 40 tonnes a débuté à l'époque où tu as connu Christine? Je répondrai pas là-dessus. Ah, ok, d'accord. Donc, alors, dépensez-vous beaucoup d'argent dans une collection? Bah, il vaut mieux prendre une collection qui ne coûte rien à la rigueur. Hein. Ah ouais? Alors, trouve-moi une collection que La pelouse. Par exemple, je collectionne les reçus de tickets de métro, par exemple. Ah ouais, mais t'es bien obligé de payer le ticket de métro. Non, d'accord, mais le reçu. C'est qui, là, qui parle comme ça? C'est pas moi. Oh non, bah alors là! Là, celui qui s'en mange! Non. Donnez vos noms, hein! Bon, c'est bien, là, Tout écoute, monde... Moi, c'est Manu. Non, mais attends, Manu. Bah, on m'a dit de donner mon nom. Non, mais. C'est croissant. Mais oui, mais j'aurais bien voulu savoir la broutille qui a été donnée à un nom comme ça, parce qu'il va dégager vite fait, celui-là. Lequel? Oui, celui qui a été dire les tickets de métro. Eh ben, comme collection. Je crois que c'est celui qui collectionne les cartes magiques, là. Ça, ouais, non, mais attends. Oh, non. Mais oui. Non, tampon, allez, hop. Je prends dans l'ordre que je voulais, c'est tout. Tampon. Oui. Donc pour toi? Oui, ça me coûte. Non, mais tu travailles quand on se pose des questions parce que. Oui, j'ai oublié ta question parce que tu fais tellement d'interludes, enfin bref. Ah ouais, je fais de l'interlude. Bien sûr. Non, de l'internet, il fait. Ah, pardon, l'internet, ouais. Moi, je collectionne les grenouilles, donc ça me coûte assez cher, ouais. Tu payes combien pour acheter une grenouille? Pardon? Bah, tu payes combien pour acheter une grenouille pour faire des collections? Je mets jamais plus de 100 balles, mais bon, ça coûte cher, quoi. Uh-huh. Il y en a partout, chez moi. D'accord. Ok. Marie Poppins? Écoute, moi, ce sont des pierres précieuses, donc ça dépend. Les prix varient, quoi. Ça dépend. Voilà. Est-ce que tu as du quartz magnétisé? Non, mais Marie Poppins? Oui? Tu peux parler un petit peu plus fort devant ton combiné? La kryptonite. Oui, la kryptonite, j'en ai. Ah, nickel. Donne-moi des noms de pierres et je te dirai si je les ai ou pas. Hein. Je te donne pas de nom de pierre, s'il te plaît. Mais j'en ai beaucoup, ça dépend. S'il vous plaît. Pierre Perret. Ah non, mais attendez, on va y aller calmement. Hein, parce que moi, si vous voulez que je vous réponde, moi j'ai des statistiques. Mm-hmm. Donc je pourrais vous répondre sur les deux débats. Donc, Poussin. Eh ben moi, ça me coûte 6,50 francs, parce qu'une bouteille de coca, ça coûte 6,50 francs. Ouais, bah alors, Poussin. La pub. Poussin. Mais elle a pas fait de pub, elle a dit coca, c'est pas Coca-Cola. Non, presque pas, elle a dit Coca-Cola alors. Voilà. Non, elle a dit bouteille de coca. Elle aurait pu dire Pepsi ou Virgin Cola. Ça aurait été de la pub. Dodi. Bah moi je collectionne les couvertures du journal Libération. Voilà, alors là, Dodi. Bonne nuit, Dodi. bonne nuit, Denis. Bonne nuit à toi. Merci pour celui-là. Alors, bonne nuit pour lui. Si je me trompe pas, j'ai dû voir un prix. Normalement, ça doit te coûter pas loin de 1500 à 2000 francs. Ouais, ça doit être ça, j'ai collé. Attendez, il y a une question Minitel, s'il vous plaît, merci. Ouais, sur Minitel, on nous dit que tu tournes à 400 t-shirts, mais par contre, tu tournes à un slip aussi. Alors, c'est qui ça, Brouti? C'est Manu Mili. Manu Mili, c'est bien, il va son nom de famille, c'est Tari, si tu veux le retrouver. Et Gérard, je voulais te dire que les pantalons à poste avec des tongs, c'est pas très esthétique. Non, c'est pas très beau. Non, mais c'est beau parce que Gérard, il porte des caleçons, hein. Une dent en or. Comment tu le sais? Déjà, tu portes des caleçons, tu l'as déjà dit. Non. Bah quoi, t'as déjà mis... Non, mais c'est bon, je vais pas vous dévoiler ce que des je porte. Des slips, il change de slip tous les deux des jours. Springs. Des springs. Mmh. Ah, non, il a dit qu'il... C'est où rangez-vous votre collection? Ça vaudra mieux que de répondre des conneries. Excuse-moi, avant que quelqu'un réponde, on accueille à la place de Tire-Bouchon que t'as viré Coquelicot. Bonsoir. Bonjour, Coquelicot. Bonsoir Coquelicot. Bonsoir Gérard, bonsoir. C'est comment ton prénom déjà? Marie-Poupine. Salut Marie-Poupine. Ah, ouais, non. Excuse-moi, merde, j'ai failli le dire. Hein? Moi, j'ai entendu, hein. Oh, pardon. Bon, vas-y, Gérard, allez, embraye. Allez, Gérard. Alors, où rangez-vous votre collection? Où rangez-vous? Attends, tu sais pas où tu ranges ta collection, hein, Brutu? Ouais, Coquelicot. Ouais, Coquelicot. Ben, moi, toi, ta collection, tu dois la ranger dans un champ. Ouais. Oh là, c'est joli, ça. Ok. Ouais. Si tu veux, moi, dans ma salle de bain, si tu veux, je collectionne les pites, puis les cotons-tiges. Cotons-tiges, tu vas aller voir Phil Darcy. Non, mais attends. Oui, j'ai le droit de collectionner. Moi, je collectionne les cotons-tiges aussi, et c'est pas pour ça que c'est envers toi. Mon croissant. Moi, je collectionne les soutiens-gorges qui font 120D. Où rangez-vous votre collection, espèce d'abruti? Abruti, dans un classeur. Les cartes sont toujours dans un classeur. Ah, voilà. Voilà, on a une question. Voilà. Coton? Ouais, mais quand tu fais une collection de camions miniatures, tu la mets pas dans un classeur, quand même. Ah non, en principe, non. Ah, bah, jamais dans une vitrine. Moi, je les crasse sur l'autoroute et je les mets dans le classeur. Voilà. Dans une vitrine de boulangerie, de boucherie, ou ça? Alors, croissant? Oui. Ta réponse à ta question, j'ai rangé dans une vitrine et non comme ça a été dit là, l'histoire sur machin chouette. Ok? C'est-à-dire? Super. Donc, Poussin? Ben moi, comme j'en ai beaucoup, hein, je commence à avoir 5000 des bouteilles de coca. Ouais, bah alors, Poussin, avec tes bouteilles de coca, tu vas avoir Fulda et c'est bon. Mais c'est non, une collection. Non, Gérard, mais, Gérard. Attends, écoute-moi, Gérard. Fulda, s'il te plaît. C'est moi qui décide. Alors, hé! De la première jusqu'à la cinquième, elle me parle de bouteilles de coca. C'est moi qui commande, ok? Mais Gérard, c'est Manu là, regarde-moi. Toi tu dégages. Non, Olive. Toi tu dégages. Olive, bon, je vous explique, Olive vient de rentrer dans le studio. Gérard, tu peux revenir à ton micro? Non mais c'est normal qu'elle en parle si c'est sa collection, les bouteilles de soda. Non, 10 bouteilles de coca, je suis désolé. Bon bah, dorénavant, 10 bouteilles de soda. Voilà. GG? Oui. Je peux dire un truc? Ouais, ben justement, c'est à ton tour. Alors, où que tu ranges. Mais j'ai pas fini, moi. Non, mais où que tu les ranges? Eh ben partout, vu que j'en ai plein. J'en mets dans la salle de bain, dans la chambre, de partout. Attends, t'es qui, toi? Hein? Poussin? Non, mais attends, je vais demander à Mary Poppins. Mais oui, mais j'ai pas fini ma question. Et on m'a dit fini, Poussin, et je réponds après. Ça y est, j'ai fini. Vas-y. Donc, j'ai moi, sous le lit. Sous mon lit et sur les étagères. C'est-à-dire? Sur quoi, je t'explique quoi? Ben, sur les étagères, où? Ah, tu peux tout savoir. À la troisième étagère, près. À côté de la fenêtre? Près de la fenêtre, en face de la cheminée. Ah ouais. Au nord, au sud? Non, sud-ouest. Ah d'accord. Tampon? Oui. Ben moi, tant que j'aurai de la place, j'achèterai des grenouilles, donc il y en a partout. Partout. Ouais, ça me paraît bizarre, hein. Et ça fait quel bruit quand tu les écrases? Tony? Oui. Ça fait quel bruit quand je vais te poser la question? Eh ben moi, justement, ça fait le bruit d'une réponse. Ça fait le bruit d'un paix. Donc moi, j'aimerais parler aussi de ma passion pour les camions miniatures. Oh, toi. Ah. Et ce que je fais, c'est que j'ai des petites figurines. J'ai une figurine Gérard, une figurine Sandy, des figurines Star System, et je fais des crash tests avec mes camions. Alors, Tony? Oui. Tony, oui. Tu retournes voir Pulsar au standard. Mais j'ai le droit de pas jouer avec Tony, moi. Je veux pas jouer avec Tony. Eh ben, tu le vires. Mais non, il participe au débat. Bah oui, Gérard. Bah oui, c'est Gérard. Moi aussi, je fais des crash tests avec mes cotons-tiges, hein, ben... Je vous préviens. Et on est à la cinquième, si vous voulez que j'arrête vite fait. Il va être deux heures. Si vous voulez que j'arrête tout de suite le premier débat, vous le dites, continuez à parler des cotons-tiges et tout ça. Moi, je vais arrêter tout de suite. Gérard. Moi, je fais des crash tests sous les ponts. Sur Minitel, c'est pas grave, on l'écoute pas. Sur Minitel, il y a Butterfly qui nous dit que toi, ta collection, tu la ranges dans ton bar, c'est vrai ? Quoi ? Ma collection, je la range un petit peu partout et je peux... Ah, tu fais des bouteilles un petit peu partout, alors ? Tony, s'il te plaît, tu vas la fermer. Ah, merci. Celle qui parle du congèle tout à l'heure, elle va dégager. Ça va aller vite fait aussi. Donc, je disais que moi, ma collection, elle est rangée sur différents trucs. Par exemple, les camions seront... Mes camions sont rangés sur une étagère. Bon, parce que... Dans quelle pièce ? Dans la salle à manger et tout. Ça doit être joli chez toi, hein ? Mmh. Ça va être sympa. Et ça pue pas le gasoil dans ta salle à manger ? Non, parce que c'est pas du tout... C'est des camions miniatures, ça pue pas le gasoil comme dans ta bagnole pour à toi. Ok ? Bah en plus, c'est du sans-plomb qu'ils mettent dedans. Alors, ouais, donc, c'est... Oui, c'est la 5. 5. Donc, alors, d'après, on me dit 31% dans une chambre, 59% dans leur salon. Comme toi. Alors là, tu vois, les 10%, je répondrai pas. Bah, c'est ce que les gens ont dit. Hein. On oui, oui, rien, mais ça... C'est quoi, vas-y, Gérard, c'est de l'info. Non, il veut pas dire que les 10%, c'est sous le pont de l'Alma. On dit pas, et puis c'est tout. Non, mais ça, tu vois, ce truc-là, je répondrai pas. C'est nul, on le dit pas. Et l'autre, 0% dans une niche à chien, alors je vois pas pourquoi qu'on mettrait des collections dans une niche à chien. Bah, justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a 0% des gens qui répondent. Ouais. Mais c'est pas toi qui serais amusé à faire ça pour dire à Max... Tu sais lire. Oui, oui. Là, il y a marqué lire. Quoi ? Lis-le à l'antenne, il y a marqué quoi, là ? Deux. Non, mais... Oui. Ah, non, pas de marque. Il y a marqué pas quoi ? De marque. Pas de marque. Oui, merde. Hein, au début, tout en haut, il y a marqué quoi ? Sam X. Non, c'est pas... Hein ? Ok. Eh ben, ouais. On reprend ton débat, putain, c'est mou. Eh, ouais, faut pas picoler avant de venir. Alors, donc... Comment ? J'ai une petite question. Moi, je tire pas, moi. Vas-y. GG. Mais il y a quelqu'un ? S'il te plaît, Poussin. Ouais, allez-y. Oui, bah écoute, GG, je voulais te dire, parce que t'as pas dit sur quelle étagère t'avais ta collection. Dans ma salle à manger. C'est clair, net, précis. Oh, c'est bien, si vous me coupez tout le monde quand on me parle. Non, mais tu peux la tutoyer. GG ? Oui. Tu m'écoutes, je voulais te dire à propos des collections, justement. Est-ce que tu es d'accord pour la tolérance des collections des collectionneurs ? Mais attends, tu veux... C'est une bonne question, ça, Gérard. Il faut que tu répondes. Mais tu veux dire quoi ? Bah, est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait une tolérance par rapport aux collections des collectionneurs, par tolérant. Rapport à leur endroit où ils mettent ça ? Mais chacun met sa collection où veut. Et t'es tolérant par rapport aux collections, parce qu'il y en a qui collectionnent les morpions, les vers. Est-ce que t'es tolérant par rapport à ça ? Mais de toute manière, les gens collectionnent ce qu'ils veulent. Ils peuvent collectionner des camions, des cartes postales ou autres. Ils les mettent où qu'ils veulent. Donc, c'est leur problème, ils les rangent où qu'ils veulent. Là où qu'ils ont de la place. On est d'accord ? Donc en cas d'urgence, protégeriez-vous votre collection ? Et attends, Gérard, c'est Coquico. Vas-y. Attends, j'ai toujours pas répondu à la question précédente, tu sais, pour mes filles. Alors en fait, si tu veux, mes pins, j'enlève l'épingle, la tâche là, et je les enfonce dans des barils de lessive, des vieux barils de lessive, que j'ai recouverts avant de papier pour les décorer. Tu les mets dans ton jardin. Voilà, alors attends, Coquelicot. Oui. Je vais dire une chose déjà. Un, les pins, tu les mets sur un tableau en liège. Ouais. Non, exactement. Tu les mets sur un tableau en liège, genre, t'arrêtes tes conneries, s'il te plaît. Allez, hop. Gérard, il peut les mettre où il veut, quand même. Non, mais même, c'est sur un tableau en liège, chez moi. Oui, c'est là que c'est le plus beau, mais s'il veut les mettre sur des bidons de lessive dégueulasses, c'est ça le problème. Tu crois que le mec, il va collectionner tous les barils de lessive vides, et puis qu'il va mettre son pin dessus? Mais non, mais plein, sur les, ça fait comme un tableau, sauf que comme ça, il peut les mettre dans le jardin. Mais pourquoi qu'on les mettrait pas sur ta tête? Tu m'as cassé, Gérard. Tu te contredis, hein, par rapport à la tolérance. Parce que, on fait ce qu'on veut avec nos collections. C'est ce que t'as dit, hein. Oui, mais d'accord. Ouais. Mais il y a certains trucs qui se mettent sur des étagères et c'est tout. D'ailleurs, à propos de ça, sur Minitel, on nous dit que toi, t'es collectionneur, certes, mais collectionneur analphabite. Qu'est-ce qu'on pense ? C'est-à-dire ? Bah, je sais pas, je te demande. Non, mais que le mec qui soit précis sur ouais. ce qu'il dit sur Minitel, parce que les questions ne veulent rien dire. Ça va ? D'accord. En cas d'urgence, prêteriez-vous votre collection à quelqu'un ? Comment ? Coquelicot ? Oui. Est-ce que tu prêtes ta collection à quelqu'un ? Ah non, jamais. En cas d'urgence. Il est toujours à côté de moi. Hein. Ah ouais, tu l'as gardé à côté de toi. Gégé, Gégé. Donne un exemple, toi. Gégé, attends, mais je t'explique, en fait, pourquoi je l'écoute sur des barrettes de lessive. Ah non, coquelicot, tes barrettes de lessive, tu commences à me les gonfler. Non, mais attends, je t'explique pourquoi, au moins. Parce que si tu veux, quand je les échange, ça me permet de plus facilement les transporter. Alors, ouais, non, mais attends, coquelicot. Ouais. Par exemple, t'es avec quelqu'un dans la rue, ouais. tu as prêté ta collection de barrettes de lessive, même. Mais non, mais il n'y en a qu'un seul, de barrettes de lessive, mais il y en a plein autour, quoi. Ah ouais, il y en a plein autour. Voilà, il y en a 200 autour. Il est pratique. Ouais, c'est hyper pratique. Attends, Manu, attendez, Manu, comme tu te marres si bien là. Non, mais je peux pas le dire. Mais tu m'as gueulé. Ok, d'accord. Il y a Butterfly qui dit sur Minitel. Moi, ma collection de photos de Sandy à poil, je la range dans mon album de singes. Voilà, tu vas gueuler, hop là. Je voulais pas le dire, c'est ta faute. D'ailleurs, Butterfly m'a butiné l'autre jour, ma purée. Et c'est possible d'en acheter ? Hein ? C'est possible d'en acheter ? Ah ouais, la nuit d'équipe, pour le dire. Je voulais pas le dire. Gérard, tu me forces. Je vous le dirai, dire-le. Faut que tu aies des biscottes. Manu. C'est la seule oui. solution. Ouais. Est-ce que t'as des biscottes ? Mais c'est de la faute, je voulais pas le lire. Des biscottes ? Ouais, pour faire quoi ? Je vais avoir moi le Minitel, je vais le lire, moi. Bah si tu veux, tu verras la même chose. Gégé, tu veux parler plus fort, on t'entend pas. Oh, ben. 300. Gégé, tu veux parler plus fort. Non, mais c'est bon, là, vous m'entendez ? Non, on t'entend pas. Hein. Allô ? Allô, Gérard ? On n'entend rien, Gégé. Allô ? Si. Ah oui, merde, on entend. Voilà. Moi. 300. Oui, il y a une personne de confiance, je vais donner son surnom, elle s'appelle Oui Oui, et je lui prêterai bien volontiers, oui. Voilà. Ok ? Mm-hmm. Ouais, mais je vois. Non, mais Croissant ? Oui. Je te demande, en cas d'urgence, prêteriez-vous votre collection à quelqu'un ? Je dis oui. Non, mais réponds-moi, oui. pourquoi oui ? Oui, oui. Non, mais t'as pas compris, en cas d'urgence, c'est complément d'objet direct, hein, il faut... En cas d'urgence... Complément d'objet direct et indirect, c'est toi, un peu trop compliqué, Marie Poppins, hein. Tu vas te calmer un petit peu, s'il te plaît, merci. Ouais, je la prêterai, ouais, en cas d'urgence, ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Poussin... Ah non, une collection, ça se prête pas, hein. Non, ça prêterait pas. Bon, Et à quoi tu joues, là, Manu, s'il te plaît ? Je fais rien. Piti. Ah, non, mais là, ça va pas commencer comme ça. Rien. Ça va pas commencer comme ça. Non, d'accord, pas mal. Ok, pas mal. J'arrête de rien faire alors. Non, parce que moi je veux pas jouer comme ça. C'est bien ce que je te dis, je m'excuse, j'arrête de rien faire. Pardon. Mary Poppins. Écoute, GG, en cas d'urgence, c'est pas très. C'est une question très difficile, hein. Ça demande une réflexion. Hein. Non, mais. En cas d'urgence, vraiment, je la confierai à ma mère, à ma maman. Mm-hmm. Parce qu'elle en prendra soin, c'est clair. D'accord. Tampon ? Oui. Est-ce que tu peux me définir un cas d'urgence ? Parce que franchement, je vois pas, là. Non, mais tu as... Par exemple. Non, mais tu c'est as... vrai, Gérard. Explique ce que ça veut dire pour toi, un cas d'urgence. Je vais te dire une chose. Tu, oui. prêtes quelque chose à quelqu'un ? Oui. En cas d'urgence. Mais quoi, en cas d'urgence ? Il a je sais pas, tu prêtes un CD, n'importe quoi. Oui. Est-ce que tu le prêterais en cas d'urgence ? En cas d'urgence ? Mais urgence de quoi ? Mais pour faire un remix. Urgence de l'arrivée de Gérard chez toi. Ah. Alors, est-ce que je prêterais ma collection de grenouilles pour faire un remix ? Voilà. Bah oui. Oui, si Max me demande, je lui prête ma collection de grenouilles pour faire un remix. Ouais, mais à ce moment-là, c'est chiant parce qu'il faut filer toute la bouffe et tout avec, quoi, alors. Ah ouais, mais bon, ça va avec. Hein. Non, mais GG, je crois que... Tu après. Oh, Marie Poppins. On se calme, s'il te plaît. C'était... T'as répondu, donc tu vas te calmer un petit peu, toi. Bon, ben... Tony. Ouais, bon, cas d'urgence, j'appelle les flics. Ah, d'accord. Ben, toi, t'appelles carrément les 22. Les 22, exactement. Ouais. Ah bah, dis donc, pas moi. Hein. Enfin. Pourquoi ? Si c'est un cas d'urgence. T'as peur des flics, GG, maintenant ? Non, pas du tout. Et il arrête pas de porter de plainte. Ah bah, je porte plainte parce qu'on m'emmerde et c'est tout. T'as bien raison, t'as bien raison. Doit bien se aussi, les commissaires. Ouais, non, mais je les connais, alors... Non, mais là, je vais vous poser une question et on va essayer de répondre. Mm-hmm. avant de lancer un petit disque. Mais attends, et toi, t'as pas répondu à la question, Gérard, en fait. Gérard, en cas d'urgence. Bon, en cas d'urgence, moi, d'après les trucs que j'ai eu, j'ai 53% de si la concierge est d'accord. 40% jamais après 21h, là, je vois pas pourquoi jamais après 21h. Je sais pas, hein. Ouais, t'en sais rien, donc à mon avis, t'en sais rien. Mais à mon avis, ça doit être toi qui dois t'amuser à ça. Bon, bien seulement, sûr, t'as raison. Un inconnu qui s'appelle Jean-Claude. Alors là, tu vois ça? Oui. Eh ben, c'est un torchon, Manu. Voilà. Eh ben, écoute, c'est un torchon. C'est un torchon. Tu feras une note. Non, mais. Tu sais, hein. Non, mais moi. Voilà. Voilà, Manu, je te remercie. Oh, tu veux dire, Manu, tu veux le dire. Non, parce que tu te démerdes. Lance le disque. Micro. Les morpions, c'est bon, et mes copains de Dauphine, voilà. Et on se retrouve juste après. Manu va me nettoyer ma merde qu'il a fait devant moi. Merci. Je vais nettoyer ta merde. Et voilà, vous venez d'écouter les morpions, c'est bon. Attends, la fin du jingle. Maintenant. Voilà, c'était là. Donc, c'est voilà, pas c'était les morpions, c'est bon, avec mes copains de Dauphine. Donc, on va récupérer Coquelicot. Je suis là. J'étais en train de fleurir, là, donc je t'ai occupé. Ouais, tu vas fleurir bientôt. Fleurissez avec moi. Fais gaffe, Gérard, il va t'arroser. Croissant. Oui, Gérard. Bonsoir. D'Angoulême. Poussin. Oui. Mary Poppins. Oui, voilà, je descends, c'est bon. Tampon. Je suis là. T'étais où encore, toi? Et Tony. Bah, à ton avis. Tony. Ouais. c'est bizarre, il me manque du monde, là, non? Manque Sandy. Donc, seriez-vous prêt à créer donc la septième? Gueule, déjà, on t'entend pas. Gérard, tu peux changer de chaise parce que t'es mal installé, tu fais n'importe quoi. Tu me vires cette chaise pourrie. Allez hop. Tu peux pas changer de radio? Parce que là. Change de bouteille. Merci. Ah bah voilà, là t'es en face du micro, t'es bien. Voilà. Donc, seriez-vous prêt à créer une. À créer la FFC? C'est quoi ça? Ah, la Fédération Française de Collection. Ah. Seriez-vous prêt, hein? À créer la FFC. Mais elle existe déjà, c'est pas à peine de la créer. Et alors, mais je te demande si t'es prêt à la créer, abruti. Elle existe déjà. Tu verras qu'on peut picoler. Est-ce que tu es prêt à la créer? Elle existe. Ah. Eh bien, si elle existe, est-ce que vous êtes prêt à la recréer une deuxième fois? Elle existe. Elle existe. Oh, mais merde, vous êtes con ou pas? C'est toi. Moi, si je suis con, moi, je vous emmerde. Elle est grave, t'as pas le droit. Ouais, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de dire ce que je veux. Gérard, c'est Coquelicot. Ouais. J'ai même créé, moi, la FFCPBL. C'est la Fédération Française des Collectionneurs de Pins sur les barils de lessive. Ouais, et t'as pas collectionné la Fédération Française des Connards? Oh là. Une insulte pour Goldo, une. C'est pas une insulte, ça, par hasard? Oh, putain, non, presque pas. C'est con, ce débat. Oh, merde. Ah bah, si les cons, bah, tu retournes chez toi et c'est tout. Mais non, je suis déjà chez moi. Et bah alors, tu raccroches et on prend quelqu'un d'autre. Oh, bah non. Bon, je m'excuse. Bon, alors, personne veut répondre? Mais on attend que tu donnes les noms! Parce que quand on dit nous-mêmes, tu dis qu'on se perd. Bon, bah alors, répondez! Oui, bah, je réponds déjà. Voilà. Qui? Bah alors, Coquelicot? Ouais. Coquelicot? Oui! Mais c'est quoi la question? Ouais, Coquelicot, tu m'énerves. Hein, non, sérieux. Non, je vais pas m'amuser à répéter les questions 50 fois. Tu m'as demandé si je voulais créer la Fédération Française des Collectionneurs. Eh bah, ouais, bah alors, tu as très bien compris. Je la ferais bien, ouais. Ah, enfin. Elle existe déjà, c'est même moi. Et alors bah, vous la recréez? Donc recréer une autre. Putain. Même Gérard réalise. Si j'avais su, j'aurais jamais fait un débat sur ça, hein. C'est Coquelicot. J'ai même créé le site internet. Ouais, c'est ça, ok, bonne nuit. T'as qu'à vérifier. Croissant. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il faut en créer un nouveau. D'accord. Voilà. Bah, c'est pas grave. Faut le faire. Ben, ouais. Celui qui s'amuse à faire du bruit derrière, vous vous calmez. Il y a César qui joue à la PlayStation, là. Oh, c'est mignon. Eh, Gérard, j'ai pas répondu. Mais attends, tu vas te calmer, toi. Qui, moi? Moi, j'en sais rien. Ensemble, vous avez comme Mary Poppins. Oui, comme Poussin, il est en train de faire le con. Oui, je réponds. C'est Marie. Oh là là. Bon, allez hop. 2h17, je vais faire la conclusion là. Oh bah non, Gérard, bah non. Bah non, non, non. Pour l'instant, vous. Pour l'instant, tu ne sers rien, toi, tu me fais chier. Hein? D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais rien, tu fous ta merde. Non, mais partout, en plus, c'est dégueulasse. On va continuer le dialogue entre les deux parce que. Tu dégages, tu le laisses carrément au standard. Et hop, dégage. Bah, c'est un beau bordel. Dégage, dégage, dégage. Oh, Tony, tu fais la gueule? Dégage, Gérard, tu le gardes. C'est cool, laissez-moi dormir. Bon, réunion. Réunion, moi, j'en ai marre. Réunion, je connais les auditeurs. Coupe-moi. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe, Gérard? J'en ai marre. Là, il y en a un qui s'amuse à faire des. Quoi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. L'autre, il se fait rien du tout. Alors, il y a Karine qui fait son boulot. Alors, c'est tout. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, c'est pas toi et je dis que ça va être comme ça. Mais ça s'est bien passé depuis le début. Non, ça s'est bien passé. Tu tournes ma gueule. Mais j'écoute, ça fait seulement deux heures. Regarde le torchon. Mais c'est pas à cause de ça que ça veut dire que c'est n'importe quoi le débat, parce qu'il y a eu du café sur ta feuille. Ouais, mais moi, je le mets où maintenant ma mais feuille. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y a eu du café sur ta feuille que ça veut dire que c'est le bordel. En plus, les questions, tu les as en tripe, Gérard. En plus. Bah, t'es en train de les déchirer. Ça, j'en veux pas de ta merde, d'accord? Bah, c'est pas la mienne, hein. Alors, qu'est-ce qui se passait là? J'écoutais pas, c'est quoi le problème? Avant qu'on reprenne la réunion, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais moi, j'en ai ras-le-bol et c'est tout. Moi, je travaille plus avec une équipe comme ça et c'est tout. On va changer d'équipe et c'est tout. C'est terminé. Eh ben, c'est votre dernière, les enfants. Bah, alors, profitez-en, foutez votre merde, mais. Ah ouais, ouais. Ben, si vous. Allez. Et Marie. Arrêtez. Non, mais si tu fous ta merde, tu vois, tu vas rentrer chez toi tout de suite, toi. Ah, tu m'as dit d'y aller. Non, mais ouais, qui va remplacer Fildar et Manu? Il y a Karine, mais je trouverai quelqu'un d'autre par la suite. Parce que moi, je vais trouver quelqu'un pour mon standard aussi. Voilà. Des filles. On va pas s'emmerder, hein. Ah, Gérard. Avec des nanas. Poussin. Voilà, merci. Merci, Manu. C'est continue. Pas moi. Non, c'est pas toi. Non, c'est la main de ma soeur dans un culotte d'un swap, d'accord? Sérieux? Alors, Marie Poppins. Oui, moi. Sifflez, toi, putain. Arrêtez. Bon, je vais juste répondre. Ça peut pas être Tony, parce qu'il dort, Tony. Je peux répondre? Vas-y. Oui, eh bien, écoute, par rapport à ta question... Arrêtez, les auditeurs. Je dirais que la FFC, par rapport aux collections... Ah, il y a Mongol. Mais non, non, non. Ah, il y a Bulldog. toi, macaque, ça va? C'est quoi, là, Jaspoint, là, que j'entends? Allô, allô. Bon, voilà. Anthony, qui c'est qui met Daspec dans les studios? Stéphane. Christophe et Rolly. GG. Ouais. Il y a quelqu'un dans la place. Oh putain. Ouais, y a pas de putain, d'accord? Allez, Gérard. Ah, GG, je répondais à... Mary Poppins, tu te réveilles, s'il te plaît. Ouais. Ah, il y avait longtemps, là, ça y est. On le retrouve. Oh là là. Les vieux débats d'antan. Je réponds. Je réponds, je dégueulais, là. Je réponds. Bon, tu réponds. Donc, je te disais, par rapport au FFC... Je dors super bien sur ça. Bonjour à Laurent, Jérémy aussi. Bon, t'entends. Bon, celui qui collectionne Daoul, il arrête. Marie Poppins, s'il te plaît, tu réponds. Oui, je te disais, par rapport au FFC, donc c'est comme, je sais pas, d'après la loi, t'as droit de créer toutes les associations que tu veux. Donc, le code pénal, l'article 212-24, il dit bien que si on veut créer des associations par rapport aux collectionneurs, il n'y a pas de problème, hein, GG. Tampon. Ouais, mais elle existe déjà. Non, mais t'as rien compris à la question, hein. Attends, Marie Poppins, s'il te plaît, tu vas te calmer. Non, mais je l'explique. La FFC, elle existe déjà, donc je vois pas pourquoi j'irais créer la FFC. Normal. Bravo. Voilà. Tu fais FFC prime. Comme ouais. Si tu fais un 2 prime, turbo et machin. Non, mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Toi, t'es d'Angoulême, toi. Ah bah ouais. GG, je suis pas d'accord. Angoulême, ville star des débats de Gérard. Tony. Ouais, FFC, super. Ok. Ce cas, je parlerai encore plus fort quand tu es au standard, toi. Attends, je suis avec Bulldog au téléphone, je comprends rien. Attends. Bulldog à ton merde, d'accord. Amanda et Aurélie aussi. Bah, elle peut l'emmerder, rien comprendre aussi, hein, en même temps, ça n'empêche rien. Mais c'est qui Bulldog? Qui est Bulldog? C'est Sandy, c'est oui, ça. Qui c'est? Non, mais non, il a dit n'importe quoi, il s'est trompé, Gérard. Sur Minitel? C'est ce qu'on met? C'est Christine dans l'anonymat. Bah, Gérard, reprends le casque. On accueille Casimir. Bonsoir, Casimir. Alors, Casimir. Bonsoir à tous. Oula. Ah non, et je refuse qu'on prenne un de mes anciens surnoms. Vous commencez à me percer sérieusement. Ah bah c'est bon signe, alors on continue. Alors Tony, tu dégages. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Tony, au revoir. Non, on continue. C'est pas grave, il est viré. On continue le débat, Gérard. Allez, calme-toi. Mais toi, je te préviens. C'est 40. Je te calme aussi. Parce que tu as dégagé. C'est 40. Et Manu, ça va être pareil. On est calme, là, on dit plus rien. On t'écoute, hein. Du tout. Allez, Gérard. Donc, c'est 8e. Oui. T'as pas répondu, GG. Bah, non, de quoi pas répondu. T'as pas répondu. Qui toi, t'as pas répondu. Casimir. Vas-y, Casimir. Bah, j'ai pas tellement entendu la question que t'as. Que oh, elle est relou, elle. Mais Casimir, c'est inhabituel. Et t'es relou. Oh, elle est nulle, elle est nulle. Non, mais vas-y, répète la question. C'est inhabituel pour la question. Seriez-vous prêt à faire une collection? Seriez-vous prêt à créer la FFC, Fédération Française de Collection? Non, pas du tout, non. Et pourquoi? Bah, disons que moi-même, je fais une collection de peluches de gorilles. Je crois que Casimir, c'est une pauvre fille, là. Et donc, pauvre conne. Eh, celui qui dit pauvre conne, tout à l'heure, ta mère, c'est une grosse conne. Oh, c'est un peu vrai. Ok, vrai. Vous la laissez parler. Non, c'est la première fois que j'ai il défend une auditrice. Hein. Bon, vas-y, Casimir. Oui, donc oui. Je disais que je fais une collection de peluches de gorille. On dirait samedi. Putain, bravo, mon canard, s'il vous plaît. Casimir. Exprime-toi, Casimir. Oui, alors donc. Je fais une collection de peluches de gorille. Pourquoi particulièrement des gorilles? Bah, parce que j'adore les gorilles. Merci à toi, Gérard. Coquelicot, bon, Coquelicot, tu dégages, croissant, tu dégages. Non. Vous dégagez. Que j'ai dit de mal. Gérard, c'était Tony. Tony, c'est pareil, tu dégages. Gérard, c'est Coquelicot, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, mais c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, Poussin, Mary Poppins, Tampon et Casimir, alors. Oui. Quoi donc? Vous voulez réagir sur ce que Casimir vient de dire? Non. Pas spécialement. Non. Voilà. Ok. De toute manière, ça va aller vite. Je vais faire conclusion parce que vous commencez à me les gonfler. Il reste combien de questions? Et sondage? Trois. Trois, bah vas-y, pose la septième. T'as pas répondu, toi? De quoi? T'as pas répondu, toi, à la question? Je vais pas répondre là-dessus, mais de toute manière, il n'y a pas besoin de recréer une fédération de collectionneurs. Pourquoi? Mais à part si tu perds ta collection. Hein? Bah, si tu perds ta collection. Et alors, si je perds ma collection, j'en fais une, j'en recrée pas une, je rachète et c'est tout. Bah oui, mais si tu rachètes, c'est encore, il va falloir que tu rachètes, tu vas avoir plus d'argent à dépenser. Tu pourras plus acheter de vêtements. Et alors, mais toi derrière, celui qui. Si je perds des t-shirts, je peux toujours en avoir n'importe où. Non, mais à ta copine, là, Sandy, tu pourras plus lui acheter après. On parle pas de Sandy, ok? Ah, pardon. On commence à me les gonfler. Donc, 8e. Pensez-vous que faire une collection est une manie? Oui, moi, ça va aller vite, hein. Là, oui. Kiwi. Banane. J'ai du mal à m'habituer à mon nouveau surnom, le croissant, ouais. Moi. Ça veut dire quoi, manie, GG? Une manie! Mais ça veut dire quoi? Une manie, c'est l'habitude de faire des collections, c'est tout. Ah, non, c'est la femme du papy. Coquelicot! Oui. Ah bon, c'est bon. Ouais, vous allez voir, croissant et Coquelicot, vous allez dégager. Mais non, mais je demandais s'il était encore là, c'est tout. Ouais, non, mais vous allez vous calmer. Non, on arrive. Tiens, Coquelicot, comme t'as une grande gueule, tu vas l'ouvrir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Ouais, réponds. Vous vous réveillez les auditeurs, là? Bon, oui, allez, hop. Oui, c'est une manie, en fait, parce que c'est une passion. Et à la fois, on peut en devenir dépendant, je pense. C'est comme le pavot, qui est de la famille du coquelicot aussi. Ouais. Tu vois, en fait, je préférais qu'on m'appelle par mon nom latin, c'est-à-dire Papa Vert Royas. Toshi. Mais je pense que c'est une manie, oui. Pour moi, c'est une manie aussi, parce que, non, un truc qui est très très sérieux, c'est que tous les soirs avant de me coucher, je regarde ma collection et je me dis, putain, je suis vraiment un vénard. Moi, c'est pareil. Et quand tu regardes ta bite, t'es vraiment un ménage. Elle est grosse. Ouh là là. Quand tu regardes ta bite, tu te demandes si c'est pas une manie. Ah, c'est Casimir. Ouais, oui. Je crois que t'es un peu trop vulgaire quand même. Hein. Ouais. C'est vrai. Calme-toi un petit peu. Hein. Et tu vas épouser ça. D'accord. Il est revenu. Alors, Tony, tu permets. Là, tu as écrasé, tu as dégagé complètement, toi. C'est ça, je peux répondre. Non, mais je crois que j'étais en scène. Attendez. Oh. C'est ça, Tony, tu me le vires complètement, oh, s'il te plaît. Non. Non. Non, mais je vous rassure, je suis pas Sandy, je suis Casimir. Non, mais Casimir, c'était moi il y a deux semaines. Non, non, Casimir, c'était moi il y a deux semaines. Ouais, bah, il y a ton sosie, c'est tout. Oh, merde. Je juste pour répondre. Non, tu parles d'un sosie, toi. Oh oui, c'est moi qui réponds. Merci. Je réponds, Gégé. Non, bah, vas-y. Donc, Marie Bobine. Donc, tout à fait, moi, je pense que c'est une manie, hein. Parce que, d'après, comme tu as dit dans ta définition, t'es toujours là, tu recherches toujours la pièce rare pour compléter ta collection. Donc, c'est-à-dire c'est une manie, c'est tout à fait clair. C'est clair et net. Ok. Tampon. Oui. Elle, on ne l'entend pas beaucoup par rapport aux autres. Ben, je vous écoute. Non, mais elle pompe. Ouais, quand tu t'écrases, s'il te plaît. Comme les Shadok. Parce que je sens que coquelicot croissant, vous allez dégager. Hey, j'ai rien dit, moi. Mais non, c'est vrai. Non plus. Putain, moi, j'ai rien dit, moi. Ouais, ben, vous allez dégager, vous allez pas me casser les cacahuètes. Promis, Gérard, on arrête. Ouais, ben, donc, tampon. C'est pas une manie, c'est une obsession pour moi. C'est-à-dire ? Il me faut ma grenouille par jour, quoi. Ouais, mais attends, mais qu'est... Mais qu'est... Je vois pas... Là, mais où, la grenouille ? Ouais, s'il te plaît, derrière. Merci. Pourtant clair. Hein. Hein ? C'est pourtant clair. Hein. Non, mais dans quel sens ? Bah, vertical. Hein. La tête, la première. Ouais, c'est bizarre. Hein. Non, mais... là, je vois pas le rapport avec les questions. Hein. Bah, j'essaie de répondre assez intelligemment pour que tu puisses comprendre, mais apparemment, non. Donc, non, c'est pas une manie. Ouais, là, ailleurs, si tu veux, mais je veux bien. Voilà. Azak. Non, mais pourquoi, Gégé, pourquoi ? Après. Non, mais attends, Poussin. Ben, moi, c'est une manie parce que à chaque fois que je passe devant un magasin ou une grande surface, je suis obligée d'acheter une bouteille de Coca. De Bon, ouais, de soda. J'ai rien dit. Non, non, mais c'est bon, là, je vais conclure là-dessus parce que. Non mais attends, moi, je vais conclure là, la 8e, et c'est tout. Gérard, pas ça. Gérard, c'est ta marque, Gérard. Non, non, Gérard. Moi, Sandy, aide-le. Ici, c'est Casimir. Casimir. C'est pas grave, Gérard. On va faire conclusion de celui-là et on va enchaîner sur les ascenseurs, ok ? Ouais, ok. Ouais, ça va être plus intéressant. Voilà. On va demander. Je te préviens, Pildar, tu dégages, je te veux plus dans l'équipe, là. Mais non! Non, t'as rien fait, je t'ai demandé de virer Tony, je suis sûr qu'il est encore là pour la conclusion. Tony? Non, non, je suis pas là. Non, tu as presque pas. Mais non, c'est un mec qui dit que c'est Tony, oh là là. C'est pas lui, c'est un autre qui. Il n'y a pas qu'un Tony dans la vie, hein. Bon, conclusion sur le premier débat. Ouais? Eh, mais tu te réveilles, Gérard, c'est que des blancs, c'est nul, hein. Oui, parce que je te réveille! Non, c'est toi qui vas te réveiller, Gérard, c'est toi. C'est toi qui es mauvais. Ben, conclusion, ben moi je pense que faire des collections c'est super génial quand on s'éclate bien dans la vie et quand on n'a pas de meuf, ben, on peut servir, ça peut servir, ben, c'est cool. Non mais attends, coquelicot. Ouais. Donc si t'as pas de meuf, comment tu peux faire une conclusion? Une collection. C'est vrai, c'est dur, je suis inapte à faire une conclusion vu que j'ai pas de meuf, donc je ferme ma gueule. Et une collection. Ouais. Tu fais collection de quoi toi? Des meufs. Ah, des meufs, d'accord. Et des pins. Ok. Chaque meuf a son pins. Ah ouais, chaque meuf a son pins. Voilà. Alors moi, je vais te demander une chose. Oui. Il est 2h30. Normalement, je peux pas le perdre. Bon, ben. Est-ce que tu as déjà le pins rouge? Le pins rouge? La Légion d'honneur? Non. Ah oui, le truc sur le pins communiste. Voilà. Oui, ouais. Je l'ai. Mais c'est pas un pins, en fait. C'est une épinglette. Ouais, est-ce que tu es prêt à le revendre? Ah non, celui-là surtout pas. C'est un de mes préférés. Ah d'accord. Merci. Okay. Gérard, il était prêt à l'acheter, hein. Non, non, non, non, c'était pour savoir. Ouais. Maintenant que j'ai ton adresse, je vais aller chez toi, je vais te l'acheter, moi. Oh, s'il vous plaît, là. Ouais, mais en fait, j'ai une usine aussi, donc... Croissant. Oui. Attends, tu fais ta conclusion. Oui. Pour étayer ce débat, Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. Je pense que cela s'adapte tout à fait. Dans huis clos. Dans huis clos. Je pense que, oui, je suis content de ma collection et je conseille à tout le monde de faire des collections. Ouais, mais tu baisseras ta radio le prochain coup que je te demande de faire une conclusion. Et Gégé, il a fait la pub, hein. J'ai pas de radio, Gégé. Et Poussin. Eh ben, ouais, une collection, c'est génial, il faut continuer. Voilà. Ouais, mais continuer sur quoi? Sur la collection. D'accord. Mary Poppins? Oui, Gégé, la collection est un phénomène social, donc c'est bien. Ça fait passer le temps, tu t'amuses bien. Mmh. Et puis, question fort intéressante, et puis voilà. Ah, il y a un Larsen, là. Ouais, tampon. Ouais, bah moi je préfère faire une collection plutôt que de faire n'importe quoi, donc ça m'occupe. Mm-hmm. Tony, comme t'es encore là. Non mais Tony, il est plus là. Hein. Casimir. Oui, bah donc c'est agréable de collectionner. Et puis, moi, je vais continuer à collectionner mes peluches en gros. Donc, moi, je peux vous dire une chose. À part des petits problèmes, et ça, je vais résoudre rapidement là pendant les deux disques. Je pense que ça va pas continuer comme ça, l'équipe. Et mec, tu t'en vas? Non, mais on est bien clair, on va pas continuer dans un bordel. Ah, merde. Ah oui, mais il n'y a pas d'amerde. Donc, pendant les deux disques, on va discuter. Tu peux pas, faut que j'aille faire pipi. Non, ben, tu vas vider ton réservoir d'essence, mais je te préviens que... T'as intérêt de te manier parce que... J'ai beaucoup envie, hein, ça risque de prendre 6 ouais. minutes. Oh, non, c'est mieux. Alors, donc, on va s'écouter la petite... La conclusion, pour moi, ça, le premier débat s'est très mal passé. Non, conclusion du débat. Très mal passé. Elle se laissait sur les collections. Non, très mal passé, c'est tout. collections. Il fait une collection de très mal passé, tu peux comprendre, toi. Non, mais sur le premier débat, ça s'est très mal passé. Non, c'est bien, moi, je trouvais ça bien. Bon, bah, peut-être toi, ça te fait rire. Oui, mais de l'autre côté de la radio, ça se passe bien. Oui, mais toi, quand t'es derrière, mais quand tu viens là, c'est bizarre, ils arrêtent leur connerie tous les deux. Mais il y a 68 connectés, ça cartonne encore. Ah oui, 68 à... 69. Eh ben alors, c'est bien, bravo. La petite aisselle de mon cochon avec un soutien-gorge, et ensuite... Les slips de Chirac sentent la rose des prés. Et voilà, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000, et toujours 3615 code Fun Radio, rubrique directe, et on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour deuxième débat. Sur les ascenseurs. Sur les ascenseurs et... Pas les mêmes. Je veux que ça change au standard. Merci.